ou méprisé moi. Oubliez pour mes sous divers moi. Pour des dix mois bien danser avec moi. Toute fille qui sur la terre. C'est ma roue, seulement moi, ouais. Moi, remède, voilà folie. En vérité, ma paix mourir. Chérie, vous, je le dirai, mais moi, pas, ouais, raison pour maltraiter moi. Vous songez, promesse, sous divers moi. Pour des dix mois, bien danser avec moi. La toute fille qui sur la terre. C'est ma roue, seulement moi, ouais. Moi, remède, voilà folie. En vérité, ma paix mourir. Aïe, aïe, aïe, maman, moi. Chérie, moi. Dis-que moi. Oh, non, non, non. Chérie, j'en moi rêve. Parlez, prisez moi. Changez tout bon moment. Nous déconduis. Chérie, j'en moi rêve. Thank you. me couvrir, sin bene de la terre, me couvrir, sin bene de la terre. Sin me meter la terre, me couvrir.